Chapitre 20e, la chambre mortuaire. William Carlyle se mourait. Au chevet de son lit était agenouillée Lady Isabelle. L'enfant était calme, résigné à son sort. Son visage était pâle et singulièrement amaigri. Les pommettes, de plus en plus saillantes, avaient perdu leur coloration habituelle. Ses lèvres étaient rétractées, ses yeux luisants. Il ne paraissait pas trop souffrir, et on eût dit que ses petites mains moites et fiévreuses, croisées sur sa poitrine, surveillaient les derniers battements du cœur. « Madame Vine, murmura l'enfant, ce ne sera pas long, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui ne sera pas long ? Demanda Isabelle. « Avant qu'ils arrivent, mon père, ma mère et Lucie, tous enfin !» La pauvre mère se sentit le cœur percé des sept glaives de la douleur. N'était-elle donc rien pour lui ? « Et moi, William ? Fit-elle avec des sanglots dans la voix. « Ne me comptez-vous donc pas ? Oh oui, Madame Vine, mais dites-moi, pensez-vous que là-haut, au ciel, nous ne reconnaîtrons tous ou que nous ne reconnaîtrons que nos parents ? Enfant, là-haut, il n'y aura plus de parents. Nous n'y retrouvons qu'un seul et même père, Dieu. » William, la tête renversée sur l'oreiller, portait les yeux au ciel. De temps en temps, ses lèvres s'entrouvraient comme pour causer avec les anges. Le ciel était pur, et les chauds rayons d'un soleil de juillet pénétraient dans la chambre. La fenêtre était grande ouverte, et par moments, des abeilles et des papillons aux ailes d'émeraude passaient et repassaient dans la pièce, voltigeant autour du lit de l'enfant. « Ce sera curieux à voir, » fit tout à coup William, comme s'il sortait d'une douce rêverie. « Oui, il y aura d'abord la cité céleste, avec ses portes ornées de perles et de pierres précieuses, et ses rues pavées d'or. Et il y aura la rivière, au bord couvert de fleurs odoriférantes et plantées d'arbres chargés de fruits délicieux. Il y aura aussi des harpes, de la musique, du chant. Et puis quoi donc encore ? Tout ce qu'on peut désirer, William, tout ce que peut rêver notre âme. « Madame Vine, » reprit l'enfant après un court moment de silence, « Jésus viendra-t-il me prendre lui-même ou enverra-t-il son ange ?» Jésus a promis de venir chercher ceux qu'il a rachetés de son sang, ceux qu'il aime et se repose en lui. « Ah oui, oui, je me souviens de cela, comme je veux être heureux, et pour toujours encore. » Isabelle s'enterra le visage dans ses deux mains. « Oui, » soupira-t-elle, « vous allez être heureux. « Oh, que ne suis-je à votre place ? Madame Vine, » continua l'enfant qui n'avait pas entendu ce gémissement d'une âme brisée, « pensez-vous que là-haut je retrouve ma mère, ma vraie mère, je veux dire ?»« Oui, vous la retrouverez, » balbutia Isabelle, « et bientôt, je l'espère. Mais comment la reconnaîtrai-je ? » Isabelle pencha sa tête sur le front de l'enfant, et de grosses larmes, lourdes et brûlantes, s'échappèrent de ses yeux. « Oh ! » sanglota-t-elle, « soyez sans crainte, William, elle vous reconnaîtra, elle, car elle ne vous a pas oublié. »« C'est que, voyez-vous, je ne suis pas très certain qu'elle soit au ciel, » poursuivit le petit malade, « elle n'a pas été bonne pour nous ni pour papa, elle nous a abandonnés. »« William, William, ne parlez pas ainsi, votre mère s'est repentie, elle a cruellement expié sa faute, elle a porté sa croix et quoi ?» demanda l'enfant, voyant que Madame Vine s'était subitement arrêtée. « Eh bien, elle a succombé sous le fait, et son cœur s'est brisé à force de soupirer après vous, après votre père. Qui vous l'a dit ? Je le sais, mon enfant. Madame Vine, s'écria William en s'efforçant, mais en vain, de se redresser sur sa couche. Vous avez donc connu ma mère ? Lady Isabelle n'était plus maîtresse d'elle-même. Elle en était arrivée à ne plus calculer la portée de ses paroles, à ne puiser ses réponses que dans ses entrailles de mère. Oui. Répliqua-t-elle sous l'impulsion du moment, « je l'ai connue à l'étranger. »« Pourquoi ne pas nous l'avoir appris plus tôt ? Que vous a-t-elle dit ?»« Elle a dit qu'elle espérait vous revoir au ciel, là où tout serait oublié, où toutes nos larmes seront séchées. »« À quoi ressemblait-elle ? À vous, mais plus encore à Lucie. »« Madame Vine, » gémit l'enfant qui se sentait s'évanouir, « soutenez-moi. » Isabelle se pencha vers lui, releva sa jolie tête, d'où découlait une sueur abondante, puis, effrayée, l'âme saisie de crainte, elle tira vivement le cordon de la sonnette pour appeler quelqu'un à son aide. Wilson accourut à la hâte. Joyce n'était pas à la maison, elle était sortie avec Madame Carlyle. Ne soupçonnant nullement l'état critique où se trouvait William, c'était le lendemain du jour où avait lieu le jugement, et Barbara, sachant combien son père était malade, avait-il lui rendre une visite. Est-ce donc encore un évanouissement ? Demanda Wilson en s'approchant du lit. « Oui, » fit Isabelle, « je crois qu'il a perdu connaissance. Aidez-moi à le soulever. » Mais William n'était que dans un état de défaillance. Il entendait tout ce qui se disait. Lorsqu'il comprit que les deux femmes étaient au chevet de son lit, il étendit vers elles ses deux mains et les étreignit toutes les deux au bras. « Soutenez-moi, ne me laissez pas retomber, » cria-t-il avec un pénible effort de la voix. « Calmez-vous, enfant, calmez-vous, » soupira Isabelle, « vous ne pouvez tomber. » Mais lui, comme s'il était en proie à un cauchemar horrible, répétait sans cesse « Soutenez-moi, soutenez-moi !» Ce n'était plus là l'un de ces mêmes accès qui, depuis quelques jours, s'était reproduit à des intervalles plus ou moins éloignés. C'était l'accroissement, le redoublement des symptômes de la terrible maladie qui le minait lentement. Dès que ce paroxysme se fut quelque peu calmé, Wilson fit prendre à l'enfant une cuillerée de gelée. Puis elle chercha à lui en faire avaler une seconde, mais William secoua tristement la tête, et bientôt après, il parut s'assoupir. « Qu'est-ce que cela peut être ?» demanda alors Isabelle d'une voix émue et concentrée. « Parbleu, c'est pas difficile à voir, » répliqua brusquement la servante, « c'est un signe avant-coureur de la mort. »« Que dites-vous, Wilson ?» s'écria Isabelle, hors d'elle-même. « William n'est pas aussi mal que vous le pensez. Ce matin même, le docteur Wainwright l'a vu, et il m'assurait qu'il pourrait vivre une ou deux semaines encore. » Avant de formuler sa réponse, Wilson, qui aimait ses aises, alla s'asseoir dans un confortable fauteuil. « Wainwright !» répéta-t-elle en se câlinant et en se prélassant de son mieux. « C'est un ignorant. Alors même qu'on viendrait à lui montrer le dernier soupir s'échappant du gosier d'un enfant, il s'obstinerait à vous assurer qu'il n'est pas mort et qu'il lui reste 24 heures à vivre. Il y a longtemps que je le connais et je n'ai aucune confiance en lui. » Lady Isabelle, assise auprès de la couche de William, ne paraissait occupée qu'à surveiller la respiration précipitée, haletante, entrecoupée et bruyante de son fils. « Savez-vous ce que m'a demandé aujourd'hui cette stupide Sarah ?» poursuivit Wilson en changeant de conversation. « Elle m'a demandé où l'on enterrait le petit William. « Parbleu !» lui ai-je répondu, « on le mettra dans le caveau de la famille des Carlyle. » Ah, si sa mère ne se fût pas enfuie de la maison, si elle se fût contentée de mourir ici, c'eût été une autre chanson. On les aurait alors enterrés, elle et l'enfant, dans l'autre caveau, celui de Lord Mountsovern. Madame Vine ne répondit rien. Elle était comme perdue dans une rêverie indéfinissable. Tout était calme, et le silence n'était troublé que par les respirations de plus en plus bruyantes du pauvre petit malade. « Ah !» reprit brusquement et avec un accent d'ironie la servante, « je voudrais bien savoir ce que pense actuellement notre belle Adonis. » Lady Isabelle se méprit sur le sens de ses paroles. Elle crut dans son délire que Wilson faisait allusion au petit William. Glacée d'horreur, elle se retourna vivement et fixa sur cette femme un regard courroucé. « Je veux parler de notre beau prisonnier à Lineborough, » souhaita d'ajouter l'aimable servante. « C'est lui qui doit se mordre les pouces à cette heure. Quand on aura fixé le jour où il sera pendu, c'est pour le coup que le chemin de fer de Westline va avoir des trains supplémentaires. »« Il est donc condamné ?» demanda Isabelle d'une voix sourde et rauque. « Condamné, mais certainement, et Otto et Bethel est relâché, et le jeune Richard Hare est réhabilité. Ah, quelle scène cela a dû être, que d'émotion en une journée, madame. Vous pensez bien que personne d'ici n'assistait au débat. Cela eût été inconvenant, mais nous avons appris toutes les nouvelles par les personnes qui sont venues nous voir. Hier au soir, lorsque M. Carlyle a révélé à sa femme l'enthousiasme avec lequel on avait fêté le retour de M. Richard, elle a failli se trouver mal. M. Carlyle s'est bien gardé de troubler sa joie en lui apprenant l'accident arrivé au juge Hare. Ce n'est que ce matin qu'il lui en a donné la nouvelle. Quel accident ! Tenez, madame, vous vivez ici comme dans une souricière. Vous n'êtes pas plus au courant de ce qui se passe dans le monde que si vous habitiez à 100 pieds sous terre. Le vieux juge a une nouvelle attaque de paralysie, et c'est pourquoi Mme Carlyle est aujourd'hui absente de la maison. « Qui a dit que Richard Hare était de retour ? » murmura William en sortant tout à coup de son assoupissement. « A-t-on jamais vu pareille chose ?» s'écria Wilson avec surprise. « Qui se serait jamais douté que ce gamin nous écoutait ?»« Allons, monsieur, taisez-vous et tâchez de dormir. » William laissa retomber sa tête sur l'oreiller. Il y avait un affaissement singulier dans toute sa personne, et cependant il se tournait et se retournait sans cesse dans son lit, comme en proie à la plus vive inquiétude. M. Carlyle était à Lineborough, où des affaires graves et pressantes exigeaient sa présence. Entre 7 et 8 heures, il fut de retour. Il se hâta d'entrer dans la chambre de William. Les yeux éteints du mourant s'illuminèrent alors de bonheur. « Papa !» soupira l'enfant. Carlyle, après avoir embrassé son fils, s'assit au pied du lit. Un rayon de soleil couchant éclairait alors le visage de William, et le malheureux père sentit sa poitrine tressaillir avec violence en remarquant le changement terrible opéré dans les traits de l'enfant. À l'approche de la mort, il y a sur la physionomie un signe, un cachet auquel on ne saurait se méprendre. Ce signe, ce cachet, Carlyle venait de le reconnaître sur le visage de son fils adoré. « Il est plus mal ?» murmura-t-il en se tournant la hâte vers Madame Vine. « Oui, » ajouta celle-ci, « il me paraît trop plus faible ce soir. »« Papa, » interjeta William d'une voix haletante. « Le jugement est-il terminé ?»« Quel jugement, mon enfant ?»« Celui de Francis Levison. »« Oui, mon brave garçon. Mais pourquoi t'occuper de cet homme ?»« Je veux savoir s'il sera pendu. »« Il est condamné à l'être. »« Est-ce lui qui a tué Hallijohn ?»« Oui, » fit Carlyle avec impatience, puis fixant les yeux sur Madame Vine. « Comment se fait-il qu'il soit au courant de cette affaire ?» demanda-t-il. « C'est Wilson, monsieur, qui lui en a parlé, » répliqua Isabelle. « Papa, » reprit l'enfant, « que va-t-il devenir ? Jésus lui pardonnera-t-il ? Je l'espère, William. J'espère qu'il sera miséricordieux envers lui, comme envers nous tous. Tu es bien agité ce soir, cher enfant. Je le sais, je ne puis me tenir en place. Le lit me semble mal fait. Relevez l'oreiller, Madame Vine, voulez-vous ? » Carlyle souleva lui-même le pauvre petit et arrangea le traversin et l'oreiller. « Madame Vine a été bien bonne pour toi, » continua le malheureux père en portant sur Madame Vine un regard où se lisait la plus vive gratitude. William demeurait silencieux. On eût dit qu'il cherchait à se rappeler quelque chose. « Je ne puis m'en souvenir, » fit-elle tout à coup en portant ses deux petites mains à sa tête brûlante. « Que veux-tu dire ? » demanda Carlyle. « Je ne sais pas, j'oublie. C'était quelque chose que je voulais savoir. » « Lucie est-elle à la maison ?»« Je ne le crois pas. »« Papa, je voudrais voir Joyce. »« Eh bien, je te l'enverrai après le dîner, quand j'irai chercher ta mère. »« Ma mère ?» répéta l'enfant. « Ah, maintenant je me souviens. Dites-moi, papa, comment la reconnaîtrais-je au ciel, ma vraie maman ?» Carlyle, qui ne s'attendait nullement à cette question, courba la tête sans répondre. « Car elle sera au ciel, vous le savez, » poursuivit William avec une vivacité fébrile. « Oui, oui. » répliqua Carlyle avec une pénible émotion. C'est Madame Vine qui me l'assurait. Madame Vine a connu ma maman, elle l'a rencontrée à l'étranger, et elle lui a parlé. Carlyle fixa ses yeux sur l'institutrice qui s'était subitement retirée dans l'encoignure de la fenêtre. Le visage de la malheureuse femme était pourpre, et son cœur battait à rompre sa poitrine. Maman a durement expié ses fautes, poursuivit l'enfant, et c'est le désir de vous revoir, de nous revoir tous, qui lui a brisé le cœur. Carlyle fit un pas en avant, comme s'il voulait questionner Madame Vine. Son front s'était rembruni, et il semblait en proie à la plus douloureuse anxiété. « Monsieur, s'écria l'infortunée Isabelle, en s'efforçant de surmonter son émotion, veuillez me pardonner, j'ai eu le tort de parler à cet enfant de sa mère, je l'ai fait pour le consoler, pour le tranquilliser. »« Je ne vous comprends point, » repartit Carlyle, en fronçant les sourcils, « avez-vous donc connu sa mère ?»« Non. » répliqua-t-elle en se couvrant la figure de ses mains tremblantes. « Non, monsieur, je ne l'ai point connue. » Par un effort suprême, la pauvre femme était parvenue à donner à ses paroles un accent de vérité. Carlyle s'approcha d'elle. « Ne trouvez-vous pas, madame, que l'enfant en ce moment une expression singulière dans la physionomie ?»« Oh oui, monsieur, oui, je l'ai bien remarqué. » Cette expression lui est venue à la suite de son dernier accès, l'accès qu'il a eu cet après-midi. Wilson a pensé qu'il allait mourir. Selon moi, il ne peut vivre longtemps encore. » Carlyle, les coudes appuyés sur l'un des cadres de la fenêtre, la tête enterrée dans ses mains, les yeux à moitié fermés, soupira. « Il m'est dur de le perdre. Il va dans un monde meilleur, » reprit Isabelle, en étouffant elle-même les sanglots qui soulevaient son sein. « Que cette pensée vous console. La mort ne sépare que pour mieux réunir. » En cet instant, un domestique vint annoncer que le dîner était servi. Carlyle se rendit à la salle à manger, plutôt comme distraction à sa douleur que pour se mettre à table. Quand il revint auprès du mourant, il faisait presque nuit. Une bougie placée dans un coin retiré de la chambre jetait seule une lueur faible et vacillante. Carlyle s'empara de cette lumière et s'approcha doucement de la couche où reposait William. « Papa, » fit l'enfant en entr'ouvrant la paupière, « ôtez cette lumière, je vous en supplie. »« Oui, mon William, oui, mais laisse-moi te regarder un moment, un seul. » Et alors, le pauvre père, en contemplant le cercle violet qui se formait autour des yeux de William, l'obscurcissement du globe oculaire, la couleur plombée du visage, comprit que la mort arrivait à pas rapide. Lucie et Archibald pénétrèrent dans la chambre. L'enfant porta sur eux un regard éteint mais plein de douceur. « Adieu, Lucie, » fit-il tout bas, en tendant vers elle sa main presque froide. « Mais je ne m'en vais point, » répliqua la petite fille. « Pourquoi me dis-tu adieu ?»« Adieu, » répéta le mourant. Lucie s'empara de la main que lui tendait l'enfant, et la portant à ses lèvres, elle l'embrassa affectueusement. « Adieu, William, puisque tu le désires, mais je te le répète, je ne m'en vais point. »« Je le sais, c'est moi qui m'en vais, » poursuivit-il. « Je vais au ciel. »« Où est Archie ?» Carlyle souleva Archie dans ses bras et le fit agenouiller sur le lit. Archie, tout surpris, ouvra de grands yeux. Adieu, Archie, adieu, je pars, je vais dans le ciel. Là-haut, derrière ce grand rideau que tu connais, j'y verrai maman, et je lui dirai que tu viendras bientôt nous rejoindre, ainsi que Lucie. Lucie, douée d'une nature éminemment sensible, se mit à sangloter tout haut. Et Wilson, attiré par le bruit, entra précipitamment dans la chambre et en sortit aussitôt, emmenant avec elle les deux enfants. Et alors Lady Isabelle, ne pouvant plus maîtriser sa propre douleur, se laissa tomber à genoux au chevet du lit de l'agonisant, et pour mieux étouffer son désespoir, elle s'enfonça dans la bouche un des coins de l'oreiller sur lequel déjà râlait le pauvre enfant, son enfant à elle. Oh, ce fut une douleur vraiment atroce que celle qu'elle éprouvait à cette heure, douleur muette, saignante au-dedans comme saignent les blessures mortelles. Et tandis qu'elle était là, prosternée sous le fait de son désespoir maternel, n'osant éclater, avalant ses sanglots et ses larmes, Carlyle, de son côté, s'efforçait lui-même de maîtriser sa puissante émotion. Et entièrement absorbé par son propre chagrin, c'est à peine s'il eut le loisir de remarquer l'angoisse surprenante de l'institutrice. Carlyle se tenait lui aussi penché sur la couche funèbre, et de grosses larmes s'échappant de ses yeux allèrent tomber sur le visage de l'enfant adoré. « Il ne faut pas pleurer ainsi, petit père, » soupira William, en entourant de ses bras atrophiés la tête de Carlyle. « Je n'ai pas peur, Jésus va venir. »« Tu as raison, mon bien-aimé garçon. Pourquoi aurais-tu peur? Tu retournes à ton Dieu, tu vas droit au bonheur. Bientôt, bientôt peut-être, nous irons te rejoindre. »« Oui, je le sens. Bientôt vous me reverrez, vous reverrez maman. Je le lui dirai, n'est-ce pas? Elle m'attend sans doute, tout au bord du ruisseau. Elle surveille l'arrivée de la barque. » L'enfant songeait probablement au tableau de Martin. Carlyle, apercevant quelques fraises dans une soucoupe, en prit une et la pressa entre ses doigts et en laissa couler le jus sur les lèvres desséchées de l'enfant. « Papa, » poursuivit William, « Jésus sera-t-il dans la barque ? Oui, mon chéri, Jésus viendra te prendre. Il me conduira tout droit au bon Dieu et il dira, « Voici un petit garçon, il faut tout lui pardonner, il faut lui faire une place au ciel, car pour lui aussi j'ai versé mon sang. Papa, savez-vous que ma mère est morte, le cœur brisé ?» Carlyle se pencha vers l'enfant, répondit par un baiser, mais l'enfant ne fut pas satisfait de cette réponse. « Papa, répéta-t-il, ma mère est morte de chagrin, le saviez-vous ? William, cela est probable, mais tu souffres trop pour parler ainsi, sois plus calme. Papa, cria le petit enfant comme s'il était prêt à suffoquer, j'ai peine à respirer, Joyce, où est-elle ? Elle va venir tout à l'heure. William se fit un nid des bras de son père et parut s'assoupir. Carlyle demeura quelques instants immobile et silencieux, puis, dégageant avec précaution ses mains de dessous la tête de son fils, il voulut s'en aller. « Oh, papa, papa !» murmura de nouveau l'enfant d'un ton de voix plaintif. « Ne vous en allez pas, dites-moi adieu !» Carlyle embrassa tendrement le petit, l'inondant de ses larmes. « Papa ne te quitte que pour peu de temps, » fit-il en se redressant. « Il reviendra bientôt avec maman. Et le petit bébé ? Et bébé aussi, oui, si tu le désires. Voyons, tâche d'être calme et de te reposer. À mon retour, je ne te quitterai plus. C'est bon, papa, allez, mais embrassez-moi encore !» Carlyle le pressa de nouveau contre son sein, le couvrit de ses caresses, puis le replaçant sur l'oreiller, il disparut la poitrine oppressée. « Papa, adieu !» gémit une dernière fois le pauvre petit, mais d'un ton de voix si faible, que le son ne put arriver aux oreilles du père. Et alors, à peine la porte fut-elle refermée sur Carlyle, qu'Isabelle bondit sur ses pieds. Elle était d'une pâleur effrayante, et de ses regards pleins de feu, elle contempla William, et de ses yeux, s'échappèrent à grands flots les larmes trop longtemps contenues. « William, William, en cet instant suprême, ne vois en moi que ta mère. » William souleva ses paupières alourdies et les referma aussitôt. « Ma mère, père est allé la chercher. Non, William, non, pas elle, moi. Ne me comprends-tu donc point, je suis... » Elle ne put achever, elle ne l'osa point. Non, pas cette heure où la mort allait à tout jamais la séparer de William. Elle n'eut pas la force, le courage de s'écrier « Je suis ta mère !» Wilson entra. « Dort-il ? » demanda-t-elle. « Oui, oui, laissez-moi, je sonnerai si j'ai besoin de vous. » Wilson, sans avoir mauvais cœur, évite avec soin toutes les émotions un peu vives. Elle se retira donc à la hâte. Isabelle, demeurée seule, s'agenouilla de nouveau, mais cette fois ce fut pour prier, pour demander à Dieu d'attirer à lui la petite âme qui déjà battait de l'aile pour quitter la terre. Sa vie entière, sa vie malheureuse, se déroula alors devant elle comme les mille tableaux d'un kaléidoscope. William dormait en silence. Nul bruit ne troublait la tranquillité qui régnait dans la maison. Elle songeait à son existence passée, à Carlyle, à ce rapide rayon de bonheur qui n'avait fait qu'effleurer sa vie. Oh, que n'eût-elle donné en ce moment pour obtenir le pardon, l'oubli de sa faute, pour que lui, Carlyle, laissât tomber, comme un baume sur son âme meurtrie, un seul de ses sourires d'autrefois, un seul mot de compassion et de tendresse. Elle resta ainsi abîmée dans sa douleur, perdue dans une rêverie morne et sombre, la tête enfouie dans les draps, les mains croisées sur sa poitrine. Elle resta ainsi plus d'une heure, sans que personne vînt la troubler, sans que William lui-même eût prononcé une seule parole. Tout à coup, elle se releva et jeta de côté de la porte un air effaré. C'était Joyce qui arrivait. « Monsieur Carlyle m'a dit que William désirait me voir. » Et Joyce, en parlant ainsi, s'approcha lentement et sans bruit du lit de l'enfant. Elle releva les couvertures pour mieux voir son visage. Puis, les laissant retomber aussitôt, elle recula terrifiée en poussant un cri douloureux plein d'effroi qui fit bondir le cœur d'Isabelle. La pauvre mère perdit alors tout empire sur elle-même. Son enfant était mort, mort sans qu'elle le sût, sans qu'elle eût vu s'échapper son dernier soupir. Alors eut lieu une scène déchirante. Elle se précipita sur le corps inanimé de William. Elle emprisonna dans ses mains la tête glacée de son fils, s'efforçant de la ranimer sous ses baisers. Puis, s'abandonnant de plus en plus à sa douleur, elle se mit à pleurer, à crier, à sangloter, appelant l'enfant, lui disant « Je suis ta mère, je suis ta mère !» Se tournant les mains, se frappant la poitrine et arrachant de ses yeux les lunettes qui l'empêchaient de contempler, comme elle le voulait, la figure inanimée de son fils adoré. La douleur de Joyce était demeurée muette, en présence de cette autre douleur. Joyce eut peur, une sueur froide ruisselait autour de ses tempes. Comprenant enfin l'horrible vérité, elle se précipita sur Lady Isabelle, et l'étreignant au bras, elle l'entraîna avec une force surhumaine loin du lit mortuaire. « my lady, je vous en conjure, calmez-vous, et ne vous trahissez pas de la sorte !» À l'ouïe de ce titre, auquel depuis longtemps elle n'était plus habituée, Isabelle demeura glacée d'horreur. Son œil était sec, tout son corps frissonnait sous l'étreinte de la fièvre. Elle fixa sur Joyce un regard effaré, puis la bouche béante et les bras ballants, elle recula terrifiée, stupéfaite, comme devant un spectre. « Ma lady, reprit la pauvre servante, laissez-moi vous ramener dans votre chambre. Monsieur et Madame Carlyle vont arriver, je vous en supplie, songez aux conséquences, suivez-moi. » « Comment m'avez-vous donc reconnu ? » demanda Isabelle d'une voix sourde. « My lady, je vous ai reconnu le soir où l'on a crié au feu, le soir où je suis allé prendre Archibald de vos bras. Depuis lors, my lady, je n'ai pas eu un moment de repos. Je vous ai prise pour un fantôme, pour le fantôme de mon ancienne maîtresse. My lady, ne perdons pas une minute. Sortons, sortons, voici mon maître qui approche. » Isabelle pencha la tête et se prosterna humblement devant Joyce. « Ayez pitié de moi. » murmura-t-elle, « ne me trahissez point. Je m'en irai, je quitterai cette demeure, je vous le jure. Soyez sans crainte, my lady, je ne dirai rien. J'ai su garder ce secret depuis le mois d'avril dernier. Ce secret a failli me faire perdre la raison. Je n'ai plus connu le sommeil, le repos et la paix. Oh, my lady, pourquoi, pourquoi êtes-vous revenue ici ? Joyce, c'était pour revoir mes enfants. J'ai bien souffert, Joyce, vous devez le comprendre. Moi, ici, chez mon mari, alors qu'il est l'époux d'une autre. Joyce, Joyce, cela me tue. Ma lady, ne restez pas ici. Venez, venez avec moi. Je l'entends, le voici, il arrive. » Et en parlant ainsi, Joyce serrait énergiquement le bras d'Isabelle. Puis, à force de prières, à force de paroles affectueuses et tendres, elle parvint à la faire sortir par une porte dérobée et à l'enfermer dans une pièce contiguë à celle où reposait le cadavre de William. À peine venait-elle de quitter la chambre que Carlyle y entra. Joyce, qui était revenue sur ses pas, se précipita au-devant de son maître, les yeux hagards et les lèvres crispées. « Joyce, s'écria Carlyle d'une voix profondément émue, qu'avez-vous donc ?»« Monsieur, mon maître, répondit la servante au comble de l'agitation. William, William est... Joyce, il n'est pas mort. »« Hélas, si !» ajouta-t-elle en s'enfuyant plus vite, le visage plongé dans ses deux mains. Carlyle referma la porte, tira le verrou, et après avoir promené un regard douloureux tout autour de la chambre, il s'approcha, lentement, tristement, de la couche où était étendu le corps inanimé et froid de son fils. Alors, s'agenouillant avec respect auprès du lit, « « Mon enfant, mon pauvre William !» s'écria-t-il d'une voix brisée. Puis relevant subitement la tête, ses yeux se fixèrent immobiles vers les célestes espaces. « Oh mon Dieu ! Puisses-tu avoir reçu auprès de toi cette jeune âme, comme tu as déjà reçu, je l'espère, celle de sa malheureuse mère ? »